Audiomatic. We'll be right back. C'est avec une version remixée de la pièce Prototype du groupe Frontline Assembly que nous lancions la transmission 033 d'Audiomatic. L'artiste Ben Lucas Boysen, avec son projet Heck, y mettait ses ingrédients en vue de nous offrir ce remix qu'on peut trouver sur l'album Echoes de Frontline Assembly, qui comprend une série de versions alternatives de pièces tirées de l'album Echo Genetic. Comme l'un des électronistes le mentionnait, Audiomatic se présente à vous pour la 33e fois. À chaque occasion, Audiomatic se renouvelle, mais elle garde toujours la même personnalité profonde, soit celle incarnée par la musique électronique. Sachez que vous pouvez redécouvrir la diffusion originale du mercredi en syntonisant C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. De plus, toutes les anciennes émissions sont disponibles en balado-diffusion. Vous n'avez qu'à visiter notre page sur Facebook à facebook.com/audiomatic-cfou. Maintenant, le prochain segment musical s'amorce avec le groupe américain Rabbit in the Moon. This is the sound of the future. It's day to help elevate the consciousness of the new generation. Nous entendions à Audiomatique le groupe anglais de Younger Brother et leur composition Evil and Harm, parue sur leur premier album A Flock of Bleeps. The Younger Brother est formé principalement par Simon Pusford, aussi membre de Spungle et Hallucinogène, et Benjamin Vaughn, qui œuvre également sous le pseudonyme Prometheus. La pièce Evil and Harm a été sélectionnée pour l'album compilation Tribal Futures The Way Ahead de l'organisme humanitaire mondial Survival, qui lutte pour les droits des peuples indigènes, car le nom du groupe, The Younger Brother, est inspiré par la culture des Indiens Koji de Colombie, qui ont donné aux civilisations extérieures à la leur l'appellation « Jeunes Frères ». Et pour débuter la séquence, le groupe floridien Rabbit in the Moon, qui n'existe malheureusement plus, nous offrait la pièce Florida, remixée par leur compatriote AK-1200 sous le nom de Epic Lounge Mix. Cette version est parue sur le CD single Florida. À Audiomatique, en compagnie des électronistes, la prochaine pièce que nous vous présentons se matérialise à travers une rencontre entre les projets Goose Goose et T-World, tous deux fondés par les artistes islandais Birgir Thorarinsson et Magnus Gudmundsson. Écoutons donc sans attendre la pièce Purple. Thank you. C'est fou 89.1. avant la pause publicitaire à Audiomatic, la séquence musicale qui se terminait se présentait en une seule pièce intitulée Purple, une pièce qui est issue de la fusion des projets Goose Goose et T-World. En fait, T-World était le projet précurseur de Goose Goose et l'album homonyme qui se nomme tout simplement Goose Goose versus T-World prit sa source dans des pièces composées au milieu des années 90. Allons-y maintenant en musique, cette fois avec le groupe britannique Pressure of Speech. Terminions ce bloc avec le trio américain Battery, mené par la chanteuse Maria Azevedo, et leur reprise de la célèbre pièce It's My Life, popularisée par le groupe Talk Talk en 1984. À notre connaissance et à notre plus grand regret, Battery n'a plus rien produit depuis la fin des années 90. Et en amorce de séquence, le groupe anglais Pressure of Speech, qui était formé de producteurs et ingénieurs de son, proches collaborateurs de groupes comme Orbital, The Orb, The Shaman, The KLF et Curve, pour ne nommer que ceux-là, nous présentaient la pièce X-Beats, justement remixée ici par Orbital. On peut retrouver ce remix sur le 12 pouces de la pièce X-Beats, lancée en 1994. Nous concluons la transmission 033 d'Audiomatique sur une note plus ambiante et contemplative avec une pièce de la célèbre mais maintenant défunte formation Coil, dont les deux principaux membres sont d'ailleurs décédés. Nous entendrons Where Are You, tiré de l'album Music to Play in the Dark Part 2. Les électronistes qui vous remercient de nous avoir accompagnés pendant cette heure dédiée à la musique électronique, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous à notre adresse courriel audiomaticcfou@commercial.gmail.com et surtout, n'hésitez pas à visiter notre profil Facebook à facebook.com/audiomaticcfou pour réentendre nos anciennes transmissions. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 17h pour une autre émission audiomatique. D'ici là, vous pouvez vous laisser tenter par les rediffusions de l'émission qui sont présentées les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Voici Coil et la pièce Where Are You? Bonne semaine! haven't seen you for years. Have your wounds grown wings? Are you feasting on fears? I can see your dark corona is eating into you. Surrounded by things we cannot penetrate. Is the cage you love the home you also hate? Life lies with the scissors inside her. The surgeon was a butcher. I'll wrap my last kiss in a bandage.